Pour un bon repas en famille ou seul, c'est au restaurant Midas qu'il faut aller. Menu adapté à tous les budgets, servi par un personnel courtois et affable. Le propriétaire, M. Danny Potvin, souhaite un franc succès aux organisateurs du triathlon de Saint-Félicien et un bon congé de la fête du travail à tous ses clients. Restaurant Midas, 1084 route 169, 418-679-0900. On va parler de football collégial. La saison commence en fin de semaine. Il y a tous les jours, en principe, on devrait avoir toutes les... On devrait faire le tour des équipes du football collégial cette année. Demain, on devrait parler avec Nick Menacci et mercredi avec Jean-Philippe Caron-Tremblay. Quoi qu'il en soit, on va commencer avec l'équipe qui est finaliste au Bol d'Or l'an dernier. C'est les Gaillards de Jonquière qui ouvrent leur saison à Alma. Vendredi soir, on va parler avec l'instructeur François Laberge. Salut François. Oui, ça va bien, Danny. Ça va bien. François, avant de commencer pour parler de la saison qui s'en vient, vous avez joué un match hors concours il y a deux semaines contre une équipe de Division 2. Puis regardez le score, ça a quand même très bien été. 9-3, une défaite, c'est une défaite très honorable. Est-ce que la différence c'est sûr qu'on peut pas comparer là parce que ça reste un match sur concours, mais est-ce que la différence entre la division 3 et la division 2, c'est la profondeur? Ouais, je pense que c'est la profondeur. C'est vraiment à ce niveau-là qu'il y a plus de différence. Au niveau du carrière, c'est sûr que nous, on avait des carrières qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Eux, c'était un quatrième année, donc il y avait quand même une différence au niveau du carrière. Par contre, au niveau des positions, c'est peut-être au niveau de la profondeur que eux, ils ont tous un peu plus de joueurs à chacune des positions. Mais je te dirais qu'en général, c'est vrai que les gars ont quand même bien fait ça en général là. Puis c'est ça, on faisait des oppositions aussi dans les one-on-one, ça a vraiment été bien. Puis quand on a fait le match, ben offensivement début de saison pour les deux équipes, autant pour Sherbrooke que pour nous, on manquait beaucoup de finitions là. Il y avait des belles drives qui se créaient, on faisait des gros jeux, des bons jeux, on donnait du momentum, mais on avait tous les deux de la difficulté à terminer nos drives là, ce qui est un peu normal en début de saison. Donc je pense que ça a fait du bien. Puis je pense qu'on au niveau du calibre, on a quand même bien paru. Mais il reste que jouer une saison complète en division 2. Tu sais, Sherbrooke avait terminé 7e au classement l'an passé aussi. Je pense pas qu'on est de là à dire qu'on est prêt à faire le saut. Est-ce qu'il pourrait y avoir un système de relocalisation comme ce qui se passe au soccer européen? Je sais pas si tu sais ce que veut dire que celui qui gagne la division 3 passera en division 2 et celui qui gagne en division 2 passera en division 3. Est-ce que ça pourrait arriver, ça? Je pense pas. Le RSEQ a pas cette optique-là vraiment. Okay. C'est vraiment sur faut que tu présentes une demande. La demande est évaluée. Puis tu sais, nous, je te dirais que régionalement, ça serait impossible de monter parce que le premier critère pour monter de division, c'est le bassin de recrutement. OK. Okay. Donc, nous, c'est sûr, peu importe Chicoutimi, Jonquière, Alma, on coule cette étape-là, lamentablement. Là. À l'automne prochain, je pense qu'il va y avoir deux équipes de Juvenile à 12, PWD et Mustang de Dominique Racine. Sinon, c'est du Juvenile à 8, qui va être Chibougamau, Charles-Gravel, Sept-Îles. Ensuite, il va y avoir la TUC dans la Ligue régionale et probablement aussi, c'est Saint-Félicien qui revient dans le Juvenile régional. OK. Donc, ça veut-tu dire que les inscriptions au football collégial montent? Au football secondaire, veut dire... Les institutions secondaires, non, ça descend. Si tu prends une école comme Polyvalente des 80 à Saint-Félicien, ouais, qui avait une dizaine de finissants l'an passé, cette année, ils vont jouer à peu près entre 18 et 20 joueurs dans le Juvenile à 8. Donc, l'an passé, ils jouaient à 35. Il y avait des bons joueurs. T'sais, écoute, il y a 4 joueurs de cette équipe-là qui jouent en Division 1 cette année, qu'on a échappé régionalement. Je pense pas que tu peux... À part d'être un exceptionnel, c'est pratiquement impossible de partir du Juvenile à 8 puis d'aller jouer au niveau Division 1 ou Division 2. Donc, on va peut-être être capable de plus garder les joueurs, mais c'est sûr qu'en jouant à 8, il y a toujours une période d'adaptation qui est beaucoup plus longue à leur entrée au collégial. Là. Donc, c'est ça qui est un peu plus... c'est ça qui m'inquiète un petit peu plus au niveau régional, mais je pense que les organisations font le maximum qu'ils peuvent. Puis quand les gars arrivent, ben, c'est à nous à faire la transition le plus rapidement possible. Est-ce que le fait qu'il y aura une équipe Senior l'an prochain, les mercenaires qui reviennent, est-ce que ça va avoir une influence positive ou encore ça n'aura aucune influence sur le recrutement et sur les programmes de football collégial? Pour le recrutement collégial, c'est sûr que je pense pas que ça a une influence. Peut-être que les mercenaires vont peut-être aider à amener de la publicité au sport au niveau régional, qu'on n'en parle pas souvent. Moi, c'est peut-être là que je verrais un point positif, c'est que parlez-en. Si on en parle plus souvent, peut-être que ça va intéresser des jeunes. Mais à part de ça, t'sais, je pense que la visibilité dans les médias, il y a toi qui nous donne une super bonne couverture, un petit peu d'autres radios, mais en général, la couverture est quand même pas... T'sais, c'est pas assez pour que le petit jeune... On peut pas se comparer au hockey encore, donc le jeune, c'est pas par les journaux ou par la radio en général... qui va pouvoir s'intéresser au sport, ça passe vraiment par les écoles qui vont présenter des programmes, puis là, le jeune va accrocher, mais on a encore beaucoup de travail à faire, puis écoute, c'est quelque chose qui est à travailler constamment. Ah, c'est sûr. Ici, c'est le hockey. Mais tu sais, dans le temps, Dolbeau était un gros powerhouse de football. Ouais. Des Shane Gauthier, des Alexandre Gagnon qui coachaient justement pour les volontaires à la Ligue défensive des volontaires de Sherbrooke. Des gars comme ça, on en a moins en moins parce qu'avant, à Dolbeau, les Patriotes dans la Ligue de printemps, c'était très fort. La Ligue de printemps amenait des choses bien aussi. Donc, je sais pas, faudrait repenser les façons de faire puis trouver un moyen de se renouveler parce que le football régional va pas extrêmement bien là dans les années à venir, puis ça fait quelques années que c'est... Ben là, il y en a d'autres aussi qui... Là, tu as parlé de... Philippe Lavoie devrait normalement, s'il continue dans cette optique-là, devrait aller dans les Canadiennes éventuellement, minimum. Charles-Émile Bouchard également de Saint-Félicien. Tu as également, tu en as d'autres, Simon Gagnon, que moi j'ai su qui avait été recruté par ou regardé par plusieurs équipes également. Tu as Marc-Antoine Robert. Donc il y a plusieurs jeunes qui s'en viennent, là, non? Pendant c'est quoi, oui, par contre, ces gars-là n'ont pas été formés à Dolbeau. Philippe Lavoie, Marc-Antoine Robert s'en vont pas au PWD. Il se développe jamais comme joueur de football. Puis de l'autre côté, Simon Gagnon, s'il décide pas de partir de Dolbeau, puis d'aller à Saint-Félicien. Fait que je suis sûr qu'on échappe des joueurs comme ça parce qu'il y a des jeunes probablement qui veulent pas transférer de polyvalente. Donc à ce moment-là, ces jeunes-là restent à la polyvalente Jean Dolbeau. Puis ça pourrait être des super joueurs de foot, mais ont pas l'occasion de le pratiquer finalement. Tu sais, je pense que l'offre pourrait être plus grande partout. Puis c'est ça qui serait le mieux parce que comme ça, tu as plus de chances d'aller chercher des jeunes, de développer la passion pour le sport. Puis à ce moment-là, nous, au collégial, on le ressentirait. Effectivement. Puis l'histoire des commotions cérébrales aussi, ça ne veut pas, ça vous aide pas. Là. Ça n'aide pas le sport. Ah, probablement. Le sport en général, ça n'aide vraiment pas le sport, ce qui se passe là avec. J'ai quand même décidé de commencer avec vous parce que, évidemment, vous êtes les finalistes du Bol d'Or l'an dernier. À quoi ça va ressembler l'équipe? C'est sûr qu'on s'est parlé ce printemps, puis tu m'avais dit j'ai hâte à l'automne, je vais être en mesure de te dire si on va avoir une bonne équipe. Que là, tu l'as vu. Ce que j'entends, c'est que peut-être un point d'interrogation au poste des carrières. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est sûr. Avec un carrière, qui n'a pas beaucoup d'expérience, soit Alexandre Voisin, ça va se déterminer cette semaine, ou Frédéric Clemens qui arrive du PWD. C'est sûr que c'est plus difficile de prévoir puis de mettre beaucoup de pression sur ces gars-là. C'est vrai qu'au niveau de carrière, ça reste l'interrogation, mais je te dirais que nous, en pratique, on voit des très belles choses, puis on est extrêmement rassurés, puis même, on n'était même pas inquiets. Je pense que les gars, c'était juste les mettre à l'aise dans le cahier de jeu. C'est ça le gros du travail. C'est qu'on a un cahier de jeu, on joue du sans caucus, on a un cahier de jeu offensif qui est assez lourd, puis les carrières ont beaucoup de responsabilités. C'est eux qui calent leur protection de passe. C'est eux qui font beaucoup d'ajustements sur la ligne. Donc, c'était de s'assurer que ces gars-là allaient être le plus près possible pour le premier match. Je pense que ça s'en vient très bien. Les gars montrent des belles choses. Puis maintenant, à partir de là, ils vont être extrêmement bien entourés. Fait que non, je pense que les Gaillards vont être encore très compétitifs cette année. Le but, c'est d'essayer de finir dans le top 2 de la Ligue et de la division pour bien se placer en série. Mais ça, le but premier, c'est de s'améliorer à chaque semaine, devenir meilleur de match en match, puis de jouer notre meilleur football à la fin de l'année. C'est quand même cliché, mais si tu veux performer en série, il faut que tu joues ton meilleur football rendu là. C'est les pics, hein? C'est d'atteindre le pic, c'est ça qui Exactement. Est le principal aussi, là. Dis-moi... Ouais, c'est un sport de pic. Ouais, c'est ça. On, Je suis pas le collégial beaucoup, mais je suis beaucoup les Canadiens, la NFL, ainsi de suite. Quand il y a des corps recrues, on demande aux carrières, regarde, fais-nous pas gagner, mais fais-nous pas perdre. Tu comprends ce que vous voulez dire, là? Nous, on va peut-être aller un petit peu plus loin que ça quand même. Okay. Là, on sent qu'ils s'en viennent bien dans le cahier de jeu. Le plan de match est clair aussi avec Coach Leduc. Fait que je pense que s'ils voient quelque chose, puis il faut qu'ils essayent la shot deep, ben il va falloir qu'ils l'essayent. Puis se faire confiance, puis c'est sa lecture, vraiment travailler beaucoup sa lecture. Si la joueur défensif, par son action, dit qu'il faut donner la balle au sol, on remet la balle au sol. Okay. Si l'action du joueur défensif lui dit de lancer la balle, ben c'est de lancer la balle. Donc, ça va être de se faire confiance en situation de match, parce qu'en pratique, ils le font bien. Maintenant, ça va être de remettre ça en match. À Sherbrooke, ça a été plus difficile à certains moments, mais on s'y attendait. Là, quand tu ajoutes la nervosité, c'est un peu plus difficile, mais ça a été bien de briser la glace pour eux comme ça. OK. Dis-moi, parle-moi maintenant de Jordan Fortin, qui l'an passé, il a connu vraiment une année comme recrue exceptionnelle. Cette année, l'an passé, il y avait un monstre à trois têtes. On appelle ça, les Canadiens, au football professionnel, on appelle ça de même. Est-ce qu'il y a un monstre à trois têtes, à deux têtes, ou il y a un porteur de ballon seulement cette année? Les trois sont de retour, donc je pense qu'on est encore équipé très bien, puis on a Dylan Robitaille du PWD. On est rendu avec un monstre à quatre têtes. Monsieur, c'est bon porteur de ballon. Non, c'est pas compliqué, ouais. Parce qu'on joue du no-huddle, fait que c'est très exigeant pour nos joueurs. Le ballon est sifflé, la balle est là, l'offensive est là, la O-line se place, le carrière se place, on fait des signaux, on a un tableau avec les formations. Merci, bonsoir, on snap la balle, c'est parti, fait qu'on veut jouer rapidement. Donc non, je pense que c'est un beau luxe qu'on a, mais avoir de la profondeur au poste de porteur de ballon, c'est quelque chose qui est super important dans notre système offensif. Puis en même temps, c'est des gars qui vont pouvoir courir la balle beaucoup, puis on a des bons receveurs aussi, donc je pense qu'on a une attaque qui est très balancée, très complète cette année. OK. Normalement, quand tu utilises un monstre à trois têtes, t'as un qui est plus de finesse, l'autre qui est plus robuste. C'est qui est plus robuste, c'est qui a plus de finesse là-dedans? Jordan et Mathieu Lachance sont des gars un peu plus robustesse, gars qui sont capables de jouer physique, qui jouent sur les unités spéciales beaucoup aussi par leur capacité de jouer physique. Glody Alafou et Dylan Robitaille sont des gars un peu plus de finesse, de vitesse pure, des changements de direction rapides. Quoique Jordan et Mathieu sont capables aussi de faire d'excellents changements de direction puis d'avoir une certaine vitesse. Mais je te dirais que si j'avais à les caractériser, c'est plus Jordan et Mathieu qui sont les power backs. Puis nos backs qui ont un peu plus de finesse, c'est Glody et Dylan. Défensivement, ça va être... Écoute, t'as Philippe Lavoie qui revient grandi, j'imagine, de son expérience au Mexique. T'as Marc-Antoine Robert, je pense que c'est un joueur défensif également, aussi grosse acquisition. Ah, il joue sur la ligne à l'attaque. On a Julien Simard qui est sur la ligne défensive, qui est notre gros joueur de ligne défensive là. Mais sinon, on a une bonne défensive, beaucoup de vétérans, des bons vétérans, Marc-Alexandre Ouellet, Jérémy Bernier, des bons gars, Phil bien sûr, Simon Gagnon, William Saint-Pierre. Donc on a beaucoup de vétérans au niveau de la défensive. On a une défensive qui est bien balancée, on a de la profondeur à l'ensemble des positions aussi. Je pense qu'on a un petit peu plus de profondeur que l'an dernier. Puis on a maturé aussi, là, donc on a un an de plus pour plusieurs partants. Donc oui, notre défensive risque d'être très bonne aussi. Deuxième année de mon coordonnateur défensif, Jean-Michel Fortin, avec son système aussi. Donc le système est encore mieux implanté. Les gars, c'est leur deuxième année dans le système, donc on est capable d'aller beaucoup plus loin dans les stratégies. On a une belle équipe d'entraîneurs aussi avec le retour d'Éric Paquette qui revient après 5 ans d'absence. Donc je pense que défensivement, on est prêt pour la guerre. T'as parlé de la ligne à l'attaque. On l'a vu avec les Alouettes de Montréal que depuis deux matchs, ça va mieux, la ligne à l'attaque. Donc les performances des carrières sont un peu mieux également. Puis là, tu as deux corps recrues. Donc, l'importance d'avoir une bonne ligne à l'attaque. Est-ce que ça, c'est de ce côté-là? Tu as Marc-Antoine, qu'on en a parlé un petit peu. La ligne à l'attaque est tout aussi solide? Ouais, on a une position que ça va être une recrue. On a deux recrues qui vont être sur la ligne à l'attaque. Marc-Antoine va être partant comme recrue, ça, il n'y a aucun doute. Ensuite de ça, on a trois vétérans, là, Gabriel Gélina, Thibaut Zimmer, puis Joshua Vaté, qui vont être sur la ligne partante aussi. Puis là, on a une lutte pour le cinquième poste. Là, je pense que ça va être bien. Les gars font encore des petites erreurs d'exécution parce que, comme j'ai dit, notre cahier de jeu est assez intense, puis on a quand même des assignements, des alignements différents, puis on joue contre notre défensive qui est une défensive qui a beaucoup de motion puis qui bouge beaucoup, donc les gars apprennent à la dure, mais je suis confiant que ça va très bien aller, puis là c'est ça, il nous reste à trouver le cinquième, mais on a déjà une bonne idée, c'est juste qu'on laisse la bataille ouverte parce que les gars nous en donnent plus. Ok, dis-moi, le bol d'or, c'est atteignable encore cette année? Ben écoute, faut y aller une étape à la fois, c'est clair que nous, quand on est rentré au camp le 12 août, c'est l'objectif ultime. Par contre, on en a parlé seulement là. On a dit aux joueurs que c'est là qu'on veut aller. On veut faire les efforts pour ça. Les pratiques sont montées de façon à aller là. On vise l'excellence. Maintenant, on en a parlé seulement le 12 août. Puis là, faut juste préparer les matchs. Puis le match le plus important, la philosophie, c'est ça depuis 5 ans que je suis avec l'équipe. Le match le plus important, c'est le prochain. Ben ouais. Donc là, présentement, cette semaine, on est que sur Allemont, on se concentre pour accueillir les Janois vendredi, puis être en mesure de jouer le meilleur match possible, jouer à notre niveau. Puis c'est vraiment ça qu'on veut. Donc l'objectif de début d'année est le bol d'or, mais maintenant, il y a beaucoup de travail à faire avant de s'y rendre. OK. Dernière question, évidemment, on va faire le tour de nos joueurs du Haut-du-Lac, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont du Haut-du-Lac, qui viennent d'ici. C'est quasiment la moitié. Quasiment un tiers de l'équipe vient du Haut-du-Lac. Donc, si on y allait avec l'équipe, on en a parlé un peu, beaucoup. Philippe Lavoie, on en a parlé tellement, on a moins besoin de présentation. Simon Gagnon, William Saint-Pierre, c'est des joueurs clés également de ton équipe. Mais on va y aller avec ceux-là qui sont un petit peu moins connus, qui pourraient jouer un rôle important. Jordan Fortin, on en a parlé aussi, ça vient de Dolbeau-Mistassini. Les joueurs qui sont un peu moins connus, mais qui pourraient jouer un rôle important que tu n'as pas parlé à date. Ben, t'as Alexandre Voisine comme carrière, c'est certain qu'Alexandre peut avoir un rôle important en étant carrière, c'est toujours important. Ensuite de ça, pour le haut du lac, si je regarde vite comme ça, avec mes gars, on a certainement, écoute, on a parlé déjà de Jordan, mais on a des bonnes recrues aussi avec Félix Girard, des gars comme ça, qui vont nous aider cette année. Est-ce qu'il joue encore cette année, le frère à Simon? William Gagnon est encore avec nous, une belle progression, on doit continuer, c'est pas un joueur qui est très gros physiquement, mais William connaît bien le cahier de jeu, fait bien les choses, juste savoir que s'assurer que son corps tough. On a Marc-Alexandre Ouellet de Saint-Félicien aussi, qui va être en quatrième année, qui a joué son football à Chibougamau, qui va très bien aussi, qui va avoir un gros rôle dans l'équipe. Ensuite de ça, ça ressemble pas mal à ça pour Dans le cas d'Alexandre Voisine, il change de cette année, il était à Chicoutimi l'an dernier. Est-ce que changer le cahier de jeu, ça prend un certain temps? Donc j'imagine qu'il doit étudier le cahier de jeu pas mal tout l'été. Ouais, ben c'est ça. Je pense que ça a bien fait qu'il a pu faire les pratiques hivernales l'an passé. Mais oui, c'est clair que c'est une grosse adaptation. On joue Noadol aussi. Quand tu joues sans caucus, tu es habitué toute ta vie à faire un caucus puis à jouer dans un caucus, c'est sûr qu'il y a une transition qui est inévitable. Puis à l'hiver, on joue pas beaucoup. On est comme pas vraiment noodle parce qu'on n'est pas en situation de match. Donc ça, c'est clair, c'est une adaptation qui a commencé à Sherbrooke, qu'on reproduit le plus possible en pratique aussi dans nos situations de 12-12. Puis c'est ça, je pense qu'Alexandre doit s'acclimater, doit s'habituer au changement. À date, il le fait bien. Des fois, tu vois qu'il y a des affaires qui fait un peu comme il faisait avant parce que ça l'était fait enseigner d'une autre façon. Ouais. Mais tu sais, puis c'est pas que la façon était mauvaise, c'est que nous, on le fait d'une autre façon. Donc, c'est tous des petits ajustements qu'Alexandre doit faire comme ça au fil des derniers jours et qu'il va continuer de faire au fil des prochaines semaines. OK. Donc, la saison est bien commencée de... François, on va s'en parler tout au long de la saison, évidemment, puis on va faire comme l'année passée. Je pense que ça va être apprécié l'année passée. On va avoir un joueur, évidemment, du Haut-du-Lac en entrevue, que ce soit à Saint-Félicien, pas que Saint-Félicien, mais que ce soit les Gaillards ou les Cougars. Donc, on va faire ça tout au long de la saison automnale. François, gros merci, puis bonne saison. Merci, Dani. Voilà, donc, l'instructeur-chef des Gaillards de Jonquière, François Labbé.